peut changer. Chaque année de mon pays, qu'est-ce qui fait que tu es toi? Qu'est-ce qui fait que je suis moi? Suis-je un corps ou ai-je un corps? Une question qui m'assaille encore. Encore et encore des efforts si vains et futiles. Pourquoi retarder l'échéance? Métamorphose sans importance. Pourquoi repose sur l'apparence qui semble tant inutile? Oh, oh. Est-ce jusqu'à la fin de ta vie? Qu'est-ce qui fait que je suis là? Que je suis moi? Chaque jour ne cesse de changer. Chaque année le vent vieillit. Qu'est-ce qui fait que tu es toi? Qu'est-ce qui fait que je suis moi? Et je vois encore.